suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé, une série d'Axel Jan Jike réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a l'histoire du féminisme et son infinie richesse, et puis ces féminismes noirs et francophones dont souvent on ne connaît pas l'histoire alors qu'elles continuent à s'écrire chaque jour. Alors pour commencer, les personnages. Une chercheuse journaliste, une militante qui agit, une sociologue féministe, une activiste sur les réseaux, une podcasteuse déterminée, un père bouleversé et une communicante qui décrypte. Ensuite, le décor. Des hashtags, des slogans, des vidéos virales, des viols, des silences, le Sénégal, des proverbes, des mutilations, des mariages précoces, de la violence, la contraception, des choix quand on en a, des dialogues et du changement. Aujourd'hui, deuxième épisode, on traîne sur YouTube. La place de la femme, c'est la cuisine! Prêche africain, devenu viral sur les réseaux sociaux. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! La place de la femme, c'est à la cuisine! C'est, tu peux avoir tes diplômes, c'est bien. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Tu seras féministe, ma fille. Je me considère comme une féministe, mais surtout comme une féministe africaine. Traoré Bint Mariam, 28 ans, féministe africaine. Je vis à Dakar et je suis chargée de communication du projet Jeune Féministe d'Afrique de l'Ouest. Je tiens beaucoup à dire féministe africaine et à me détacher quand même de l'afroféminisme et tout ce qui est féminisme afro. Parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait 23 ans de ma vie en Côte d'Ivoire. Après, je suis allée en Tunisie, après je suis allée en Europe. Je pense que les problématiques d'une femme qui est née en Afrique ne sont pas les mêmes que les problématiques d'une femme noire qui est née en Occident. Et je pense qu'aussi il y a beaucoup une espèce aussi de mémise aussi de tout ce qui est personne née à l'étranger, en Occident, même tout ce qui est culture afro-américaine, qui tente vraiment à vraiment occulter aussi la voix des personnes en fait qui sont nées sur le continent. Donc c'est pour ça que moi je tiens déjà vraiment à préciser, à marteler déjà le terme féministe africaine. Aujourd'hui, je n'hésiterai pas à dire que je me considère comme étant une féministe, mais j'ai eu ma période de crise avec le terme féminisme. Jerry Tujelo, 28 ans, Paris, consultante en communication digitale. Pour moi, le féminisme, c'est une lutte, mais au-delà de la lutte, c'est finalement, c'est presque, comment dire ça, visionnaire. C'est-à-dire qu'on est dans une époque concrètement où les femmes rencontrent beaucoup de difficultés encore, et les personnes qui se réclament féministes sont presque en avance, j'ai envie de dire, sur leur temps, quoi. Donc, au-delà de la lutte, c'est vraiment un état d'esprit, quelque chose qui se cultive et quelque chose qui se vit dans le quotidien. Être féministe, dans quelque contexte que ce soit, c'est déjà être en marge. Je pense que ce n'est pas facile, mais que c'est extrêmement nécessaire. Diakoumba Gassama, 40 ans, vivant à Dakar, au Sénégal, féministe panafropolitaine, juriste. Ma définition du féminisme, c'est vraiment la lutte contre toutes les formes d'exploitation qui touchent les personnes qui bénéficient le moins des avantages que représente la vie en société ou dans notre contexte du développement. Hier comme aujourd'hui, s'identifier comme féministe en Afrique, particulièrement si vous êtes une jeune femme, peut susciter des critiques et des préjugés de la part des membres de la société civile. Le travail des jeunes féministes africaines est souvent considéré comme une remise en cause des notions traditionnelles de la famille et des rôles attribués aux femmes et aux hommes dans la société. Leur militantisme est perçu comme contraire aux normes ou aux stéréotypes relatifs au genre auxquels elles sont censées se conformer. La nouvelle génération féministe s'inscrit dans les pas de la précédente, car prétendre à exercer ses droits fondamentaux, posséder sa propre voix, prendre une fois pour toutes son destin en main, demeure hier comme aujourd'hui l'enjeu. Nous nous définissons et nous nous appelons publiquement féministes. Parce que nous sommes fiers de notre identité. En tant que féministes africaines, nous avons des identités diversifiées. Nous sommes des femmes africaines. Nous vivons ici, en Afrique. Et même lorsque nous vivons ailleurs, le statut et la vie des femmes africaines du continent nous préoccupent toujours. Notre identité féministe ne s'accompagne pas de « si », pas de « mais » ou de « cependant ». Nous sommes féministes. Point. Charte des principes féministes pour les féministes d'Afrique. Fonds africain pour le développement de la femme. 2016. Je dirais que la spécificité du féminisme africain, c'est déjà un féminisme normalement, qui se veut normalement décolonial, même si énormément de personnes et même de femmes ne sont pas au courant que l'Afrique a été colonisée. Il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas. On l'a appris dans les livres d'histoire, mais ils ne voient pas vraiment la portée de la colonisation. Le féminisme africain, c'est un féminisme qui est vraiment hybride en fait, qui tire de ce que les femmes étaient avant la colonisation et de ce que les femmes sont devenues. Moi, j'entends beaucoup, il faut que tout le monde revienne aux religions pour qu'on puisse aider les femmes. Si on revenait aux religions africaines, les femmes n'allaient plus être comme ça, mais je suis vraiment désolée. Les femmes ont le droit aujourd'hui aussi d'être chrétiennes et, ou musulmanes, et certaines ont le droit de ne pas être chrétiennes ou musulmanes. L'essentiel est que tu sois sur le continent africain et que tu sois africaine. Il faut accepter que les africaines aujourd'hui sont des personnes hybrides. Je pense que je suis une féministe panafropolitaine parce que je considère que mon féminisme est ancré dans les régions du Sud, pas seulement l'Afrique. Et j'ai aussi évolué de par mon chemin de vie en Europe et dans des pays du Nord qui font que j'ai une culture diverse dans mon féminisme et dans ma vie aussi. Si on s'en tient à la région qui est la nôtre d'Afrique de l'Ouest francophone, il n'y a vraiment pas, je pense, d'endroit aujourd'hui où dire qu'on est féministe est complètement compris. On en tire comme conclusion qu'on est en rejet par rapport à nos cultures et à nos traditions. On nous perçoit comme des personnes qui essayent de remettre en cause des pactes sociaux établis, et ce, depuis une conception plus ou moins européenne ou internationale, mais en tout cas pas du cru. Mais je pense que c'est tout à fait erroné parce que ce serait dire que les femmes africaines et les autres groupes concernés par le féminisme sont en attente d'ordre, d'agenda, n'ont pas de lutte propre, n'ont pas de recherche intellectuelle de solutions par rapport à des défis purement africains. Je pense sincèrement qu'il y a vraiment la volonté que en fait, les femmes africaines ne puissent pas évoluer. Quand on me dit le féminisme va à l'encontre des valeurs africaines, je trouve ça quand même très irrespectueux pour nos matriarches féministes africaines d'antan. On me parle de Simone de Beauvoir, on me parle de Simone Veil, etc., etc. Mais honnêtement, combien de personnes se sont assises pour lire les écrits de Hawa Thiam, pour lire les écrits de Marie-Angélique Savané, pour lire les écrits de Constance Yahi? On pense que, en fait, la femme africaine, noire africaine, n'a pas de conscience. C'est-à-dire que on n'a pas assez d'intelligence pour retranscrire ce que l'on vit. On n'a pas assez de conscience pour dire ce qui ne va pas. Si le féminisme n'était pas africain, pourquoi est-ce que, dans les années 60, ces femmes-là ont développé le féminisme africain? On a des féministes depuis une cinquantaine d'années. Moi, je suis une femme africaine. J'ai trouvé des écrits de femmes africaines avant moi et je m'en suis inspirée, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que les luttes que nous partageons avec les féministes africaines sont des luttes de remise en cause de certaines valeurs africaines, mais pas toutes. Et je pense que ce qu'on nous reproche, c'est justement de vouloir changer ces valeurs négatives qui touchent au corps des femmes, qui touchent à la liberté et au choix. Quand j'ai défini tout à l'heure le féminisme, pour moi, j'ai oublié de dire que vraiment le point angulaire pour moi, c'est le choix. Et le fait que nous luttions pour que tout un chacun et chacune ait le choix dans sa vie privée, personnelle, professionnelle, dans tous les domaines possibles et imaginables, y compris le choix de nos pays de ne pas être mis dans certaines positions économiques ou politiques, c'est ce qu'on nous reproche. Pour la nouvelle génération de féministes africaines, Internet joue un rôle clé. L'utilisation des réseaux sociaux permettant d'atteindre un public plus large, c'est aujourd'hui sur la toile que nombre d'entre elles parviennent à faire entendre leur voix, à défendre la cause des femmes, informer sur le féminisme et déconstruire les idées reçues qui y sont associées. La toile leur offre un nouveau moyen d'expression et de revendication. Qu'est-ce qu'une vraie femme africaine ? Depuis février, les témoignages se multiplient pour dénoncer avec ironie les injonctions auxquelles sont soumises les femmes africaines. Tu es qui ? Une vraie femme africaine, là. Les gens ne doivent même pas savoir que tu as mal. Tu dois supporter la douleur, là. Tu ne dois pas couler l'âme. Tu ne dois pas crier. Tu ne dois pas pleurer. Voilà. Attends, il y a quoi ? On va où ? En février 2020, en remontant mon fil d'actualité sur Twitter, je vois apparaître le hashtag « vraie femme africaine ». Apparu la veille sur les réseaux sociaux, il emporte quasi instantanément l'adhésion de milliers de femmes africaines sur le continent et au sein des diasporas. Des milliers de femmes l'utilisent de manière ironique pour dénoncer la vision de la femme africaine parfaite dans les sociétés patriarcales dont elles font partie. Et en 24 heures, c'est un raz-de-marée de tweets, plus acides les uns que les autres, qui envahissent la twittosphère ainsi que Facebook. Regarde-moi ces incapables d'accoucher sans péridurale. Une vraie femme africaine accouche avec toute la douleur, sinon n'est pas entièrement maman. À l'initiative de cette fronde, tournant en dérision les injonctions sexistes faites aux femmes africaines, la jeune journaliste ivoirienne Traoré Bintou Mariam. Vraie femme africaine, c'est vrai, je l'ai créé, mais vraie femme africaine, ce n'est pas mon hashtag. Vraie femme africaine, c'est le hashtag des femmes africaines parce que c'est elles qui l'ont porté. Vraie femme africaine, c'était juste un statut que j'ai fait. Je suis allée me coucher et le lendemain, j'ai vu qu'il avait été repris par à peu près toutes les femmes de l'Afrique francophone. Ça prouvait qu'il y avait une volonté de leur part, enfin, de parler. Vraie femme africaine doit faire au moins un enfant, garçon, sinon il y a les décorations dans la maison. Hashtag vraie femme africaine. Une vraie femme africaine n'a pas d'histoire. Elle est soumise, douce et sert les hommes sans problème. Elle reconnaît la suprématie masculine et n'aspire qu'au mariage. Une vraie femme africaine, noire et intelligente, est donc contre le féminisme, car elle a compris que le féminisme est en réalité un complot des blancs pour créer des conflits entre la femme noire et l'homme noir. Les critères pour être une vraie femme africaine ? Avoir un niveau bas d'études ou ne pas en avoir fait. Se taire si un homme parle. Pardonner et supporter s'il vous tabasse ou viole. Éduquer seul vos enfants. La liste n'est pas exhaustive. Les vrais hommes africains, complétés ? Moi, je pense sincèrement que les femmes africaines n'ont pas approuvé leur africanité. Il n'y a pas de raison que les hommes soient africains et que les femmes soient obligées de passer des rites, des éternels rites de passage pour prouver qu'elles sont africaines. Ce continent nous appartient. On aime aussi ce continent et la vraie femme africaine n'existe pas. La vraie femme africaine, c'est une femme qui est née dans un pays d'Afrique. Point. Je considère que je n'ai aucune africanité en fait à prouver et surtout, ce n'est pas parce que j'ai de la mélanine que je suis censée supporter tout le poids du monde, je suis censé endurer toutes les souffrances du monde sans rien dire. Il te viole, viole tes enfants, c'est ton mari, attrape ton cœur et prie. Ne laisse pas le diable gâter ton foyer. Hashtag vraie femme africaine. Hi, my name is Tarana Burke and I'm the founder of the Me Too movement. Tarana Burke. We founded Me Too over a decade ago to support young women of color in the community we live who were survivors of sexual violence. In the years since we started, we've expanded to support adults and people across the gender spectrum who have been holding the trauma of sexual violence for many, many years. En 2017, lorsque le raz-de-marée d'accusations de harcèlement contre le mania du cinéma Harvey Weinstein et d'autres hommes pousse des millions de femmes à partager en ligne leurs expériences sous le mot dièse MeToo, cela fait déjà une décennie que l'activiste noire américaine Tarana Burke a lancé le hashtag pour dénoncer la violence patriarcale envers les filles et femmes afro-américaines. MeToo est à l'origine une initiative de soutien aux victimes d'agressions sexuelles dans les communautés africaines-américaines et les quartiers défavorisés. Si tes enfants se font violer par un membre de ta famille, tais-toi et préserve l'honneur de ta famille et revois l'éducation que tu leur as donnée. Hashtag vraie femme africaine. C'est après avoir participé au mouvement de masse et partagé largement MeToo et Balance ton porc sur les réseaux sociaux qu'en 2018, l'écrivaine sénégalaise Dey Fatou Kane s'est quant à elle interrogée sur le regard à porter sur les viols commis au sein de la société sénégalaise, le plus souvent dans le soutoura le plus absolu. Soutoura signifie discrétion au Wolof ou propension à masquer, à maquiller, laissant croire que tout va bien. Souhaitant transposer l'effet tsunami de MeToo au Sénégal, elle décide à son tour de lancer le hashtag « Balance ton saï-saï ». Time bomb. I'm a time bomb. Dans la plupart des quotidiens sénégalais, les faits divers sont des faits de violence sexuelle. Mais nous savons que ça se passe, mais personne n'en parle. Donc moi, je me suis posé la question, oui, mais je suis solidaire de toutes ces femmes-là. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai essayé de créer Balance en Saïsaï. Daifa Toukane, 34 ans, happy féministe. Je vis entre Dakar et Paris et je suis chercheuse en études sur le genre à l'École et aux études en sciences sociales, le HESS. Saïsaï, dans la langue wolof, ça signifie pervers, donc balance ton pervers. J'ai essayé de trouver un peu une formule choc pour un peu choquer les gens et leur dire, quand on entend Saïsaï, on sait que c'est un truc typiquement sénégalais. Et je me rappelle avoir fait un post Facebook avec un logo et puis je me suis dit, avant d'écrire, je vais essayer un peu de sonder les gens. Et j'ai reçu des messages en inbox. Oui, mais en fait, balance ton Saïsaï, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne crois pas, en fait, que tu devrais arrêter de parler de certains sujets sensibles dans notre société? Alors, j'ai écrit un premier article dans mon blog qui s'intitulait « Silence en viol ». Et j'ai un peu fait une espèce de cartographie sociale de la question des violences sexuelles au Sénégal. Et j'ai dit qu'il fallait que l'on se positionne. Et dans un second temps, j'ai fait un appel à la candidature. Peut-être que c'était un peu maladroit de ma part. Je me rends compte rétrospectivement. Mais je me suis dit que quand on commence des révolutions, quelle que soit la manière, il faut que ça se fasse. Donc j'ai dit, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient victimes de violences sexuelles qui pourraient témoigner anonymement? Et j'ai reçu des messages, mais les personnes victimes de violences sexuelles, elles viendront jamais se confier. C'est pas avec un article de blog que ça va se faire. Après, je dis, bon, ça prend pas. Donc j'ai contacté des personnes que je connais dans la presse au Sénégal pour leur dire que oui, j'aimerais faire un large article avec des sociologues, avec des écrivains, une sorte de tribune pour qu'on en parle. Et ils m'ont tous apposé une réponse négative pour dire que oui, mais bon, même si on publie ça, ça passera pas, les gens prendront ça négativement. Et c'est un peu dommage de le dire, mais c'est là que la presse étrangère, bon, je citerai pas, non. M'ont commencé à me contacter parce que ça commençait un peu à faire du bruit sur les réseaux pour dire oui, est-ce que vous voudriez écrire? Oui, oui. Bon, j'ai dit oui. L'essentiel, c'est que ça se fasse. Et moi, j'ai un positionnement situé. Je partirai du Sénégal pour étendre. Donc c'est là que vraiment tout a été viral. C'est de là que tout est parti. Je dirais que la question des violences sexuelles est encore une question épineuse dans la société sénégalaise. Nous l'avons vu récemment avec une affaire privée qui a quitté la sphère privée pour atterrir dans la sphère politique. Et les stratégies de silenciation en fait des victimes sont multiples et variées. Il faut que les victimes surtout se rendent compte qu'elles ne sont pas coupables. Parce que tout le temps on dit « comment es-tu habillée ? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils te violent ?» Alors qu'on sait que les porcs sont dans les maisons, les porcs sont dans les mosquées, dans les églises, on les connaît. Les violeurs ne sont pas des personnes malades. Il y a bientôt 2 ans, la loi de criminalisation du viol a été votée au Sénégal. Je me rends compte que c'est bien de voter des lois, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? De nombreux feux en pleine rue, des jets de pierres sur les policiers et en face, des forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogènes. Mars 2021. C'est lorsqu'il se rendait au tribunal mercredi pour être interrogé sur des viols présumés qu'Ousmane Sonko a été arrêté officiellement pour trouble à l'ordre public. Depuis, de nombreuses manifestations ont lieu dans plusieurs villes du pays et en particulier en Casamance, le fief d'Ousmane Sonko, dans le sud du pays, à Bignonia ou encore à Zinguinchor. Nous avons eu des émeutes. Tout simplement parce que une jeune femme a osé porter plainte contre un leader politique. Marie-Angélique Sardané, j'ai 73 ans, je suis sociologue, militante féministe, j'habite à Dakar, au Sénégal. Tout le monde lui est tombé dessus, cette fille, on l'a traitée de tous les noms, et personne parmi les gens qui pensent, les autorités, etc., l'opposition politique, n'a donné du crédit à sa démarche. C'est des choses inconcevables aujourd'hui aux États-Unis ou en Europe. Et ici, ça a été jusqu'à créer des émeutes. Le pays a été à feu et à sang pendant 3 jours. On a pillé, on a saccagé des magasins, on a brûlé des maisons, des domiciles, etc., tout simplement parce qu'une fille a osé toucher quelqu'un qui apparemment est intouchable. Chaque fois, les questions qu'on pose assez régulièrement aux victimes de viol, c'est « t'étais habillée comment ?»« T'étais habillée comment ?» en wolof, ça veut dire « langue solon ». C'est sans doute la question qu'il ne faut pas poser. Bonjour, Aouni Nyantouma. Je m'appelle Penaï Traoré et je vous présente Balépat. Balépat, RFI 2020. un podcast qui questionne la place de la femme dans les sociétés africaines après les mouvements MeToo et Balance ton port. Balepat, c'est mon histoire personnelle aussi. Kwenaï Traoré, 37 ans, journaliste indépendante, féministe, heureuse et joyeuse. J'habite à Paris et je suis originaire du Burkina Faso. Ce qui m'a incité à écrire ce podcast, c'est la libération de la parole que j'ai vue ici en Europe, en France, quand j'étais à l'école de journalisme, quand les mouvements MeToo et Balance ton port ont commencé à faire beaucoup de bruit un peu partout dans le monde. Tout le monde en parlait, les femmes de tous les pays parlaient de ce qu'elles vivaient. Je voyais ça bougeait beaucoup sur les réseaux sociaux et je n'entendais pas les femmes africaines. Je n'entendais pas. C'est pas qu'elles aussi, elles ne vivaient pas d'agression sexuelle. C'est pas qu'elles ne vivaient pas de harcèlement. Je me suis dit, mais où sont-elles? Où sont-elles? C'est parce qu'elles parlent, on ne les entend pas, elles ne sont pas audibles, ou c'est juste qu'elles ne parlent pas? Je me posais cette question. Je me dis, moi, en tant que femme africaine, j'ai aussi vécu des choses, je connais des gens qui ont vécu des choses, et il y a tout ce mouvement-là qui est là de libération, c'est une sorte de révolution, une autre révolution des femmes, et on ne les entend pas. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. J'avais envie de faire quelque chose, mais je ne savais pas comment d'abord, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Et quand l'occasion s'est présentée sur le plan professionnel d'aller au Sénégal, j'avais déjà fait quelques recherches et j'avais vu que les Sénégalaises, elles étaient un peu quand même en avance sur les autres femmes, sur les autres pays dans ces luttes-là. Et je me suis dit, c'est l'occasion de creuser pour voir ce qui se passe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à contacter des gens au Sénégal pour pouvoir faire ce podcast, à contacter des victimes, à voir ce qui se passe là-bas, ce que les femmes, les associations de femmes, les jeunes féministes qui sont là-bas, ce qu'elles font sur le terrain. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est aussi lié à mon parcours à moi. En tant que femme africaine, je me suis dit que des femmes ne parlent pas. Il faut que je parle quand même, ne serait-ce que pour dire aux autres, rassurez-vous, on peut parler. Et je suis contente de l'avoir fait parce que quelque part, ça m'a rassurée moi-même que tout ce qu'on vivait, on n'était pas obligé de les garder pour soi. Je sais que dans la communauté noire et en Afrique, le silence, c'est culturel. C'est ce qu'on vit, on doit tout garder, on doit tout prendre sur soi, on ne doit pas en parler. C'est pour ça que moi aussi, j'ai eu du mal à parler de mon parcours, de l'éducation que j'avais reçue, de ce que j'avais eu comme problème à mon premier travail en tant que journaliste, mon premier boulot. C'est parce que j'ai été éduquée à ne pas parler en tant que femme africaine. C'est parce que j'ai été éduquée à tout prendre sur moi, à ne pas exprimer ce que je ressentais. C'est très récent vraiment le fait que moi, j'arrive à parler de moi-même, à prendre position, à dire que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est récent pour moi. Jusqu'à presque mes 30 ans, j'avais très peur de parler, de prendre position sur des sujets. Et c'est dû à l'éducation qu'on reçoit. C'est pas mauvais, hein, nos parents, ils pensent bien faire. Mais c'est juste que c'est un peu à l'origine aujourd'hui du fait que les femmes africaines n'arrivent pas à se livrer aujourd'hui. C'est ce silence qu'on leur enseigne quand elles sont petites. Et ça leur pèse. Concrètement, ce sont les règlements à l'amiable qui font vraiment que les femmes meurent chaque jour. En Afrique. Bintou Mariam Traoré. Parce que même dans le cadre de notre association, la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles en Côte d'Ivoire, l'année passée en 2020, on a eu environ 250 femmes victimes de violences qu'on a pu accompagner. La majorité des cas sont réglés à l'amiable. Le message qu'on nous fait passer est que nous sommes sur un continent où la moitié de la population n'a pas ou ne doit pas espérer à avoir justice. C'est-à-dire, en fait, on pardonne pour toi. Je pense sincèrement qu'avant le pardon, il faut de la justice. Il faut comprendre que la vie de l'agresseur, et je vais le dire tout court, vu que nous sommes sur un continent, il n'y a que des hommes noirs et des femmes noires. La vie des hommes noirs, des hommes africains et leurs paroles a plus de poids que la vie des femmes noires africaines et leurs paroles. Pourtant, nous sommes censés être tous les deux des enfants du continent. On dit souvent, oui, laissez cinq garçons l'ont violé, mais c'est des fils du village. Est-ce qu'elle, c'est pas une fille du village? La manière dont les forces de police même nous reçoivent, souvent j'ai envie de pleurer parce que je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Les femmes africaines sont les premières entrepreneurs du monde. On porte l'économie de ce continent, mais on n'a pas droit à la justice. Tout doit se faire à l'amiable. On doit regarder chaque jour des jeunes filles dans les yeux et leur dire, pour être une vraie femme africaine, tu dois supporter en fait. tu ne dois pas porter plainte, tu ne dois t'attendre à aucune justice. C'est vraiment ça qu'il faut régler. Moi, je n'ai jamais imaginé que ce gars-là ose faire ça. Mais ce gars-là, je vais le suivre jusqu'au bout. Je vais le suivre jusqu'au bout. Je ne comprends plus le mot masla. Ça ne fait pas partie actuellement de ma tête. La fille, elle saura que son papa est là. Ça, je vais le défendre jusqu'au bout. J'ai eu la chance d'être aimée par un père qui, alors qu'il était encore un adolescent, avait choisi en classe de 5e le prénom que je porterais. Ce père que je vais découvrir sur le tard alors que je suis déjà une femme, un homme africain, né dans les années 30, dans une culture où l'on valorisait plutôt les garçons que les filles, souhaitait, lui, avoir une fille. C'est lui qui a su convaincre ma mère, après ses deux premières grossesses adolescentes à 12 et 16 ans, d'être à nouveau mère à la veille de sa trentaine. C'est à tout l'amour que mon père me portait que j'ai pensé en écoutant l'épisode très émouvant de Balépat, consacré à la démarche de justice de Mamadou Thiam, ce père sénégalais défendant sa fille de 13 ans, victime d'un pédocriminel. Elle se plaignait des maux de ventre, sinon des boutons à bas ventre, mais elle se plaignait beaucoup de maux de ventre. Moi, je croyais que peut-être elle commence à prendre de l'âge et peut-être elle doit commencer à avoir ses règles. C'est pourquoi je croyais, j'ai dit même à sa maman de la conseiller, peut-être elle va commencer à voir ses règles, c'est pourquoi elle a des maux à bas ventre. Or que c'était pas ça. C'est au dernier moment que j'ai su que toutes les douleurs qu'elle sentait là, c'était à cause de ce viol-là. Ah non, j'étais complètement... Vraiment, je n'arrivais même pas à imaginer ça, vraiment. J'étais complètement bouleversé. Ce jour-là, vraiment, je ne veux même pas me rappeler de ce jour-là. Parce que vraiment, c'était tellement terrible. Je n'arrive même pas à trouver les mots, quoi. J'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré. J'ai resté des nuits à pleurer. J'arrivais pas même pas à manger. J'arrivais pas à dormir. Parce que ça m'a bouleversé complètement. Moi-même, c'est un épisode qui m'a émue. Même quand je réécoute, ça me fait quelque chose. C'est comme si c'est pas moi qui l'avais fait. Parce que de un, c'est un père. C'est inhabituel parce que c'est un père qui a décidé de défendre sa fille. Généralement, quand ça se passe, ce genre de problème, c'est des femmes qui sont au devant, qui essaient de soutenir. Mais là, c'est un père africain qui décide de dire « moi, je défends ma fille ». Ça, c'est déjà inhabituel. Donc, j'ai vraiment aimé cet aspect-là, son courage de pouvoir s'engager sur ce plan-là. J'ai aimé ce papa pour ça. Et du fait qu'il a dit non à tout ce qu'il y a comme tradition familiale, ces concepts-là qu'on appelle le « mounou », le masla au Sénégal, c'est un peu la propension de dire à la femme africaine, tu prends tout sur toi, tu es la femme, ne laisse pas transparaître tes émotions, faut pas dire les choses, absorbe tout comme une éponge. Et lui, il a décidé de dire, non, je passe outre cette tradition-là, je vais parler, parce que c'est pas possible que quelque chose comme ça se passe. Lui, il n'a pas pensé à la famille quand il faisait ça. C'est important que les hommes aussi se joignent à la lutte. La lutte des féministes ne doit pas être légitimée par les hommes, mais il faut juste qu'ils comprennent que cette lutte, ce n'est pas contre eux. Voilà, c'est juste ça. En général, en Afrique, quand les hommes prennent parole sur des problématiques féministes, et étonnamment ou pas, d'ailleurs, c'est pas étonnant, on cesse d'hystériser le débat. Dire et tout dialogue. Quand c'est les femmes qui parlent, quand c'est les femmes qui dénoncent un problème, souvent, c'est un bruit de fond de la société. Ok, les femmes, elles sont pas d'accord, elles sont en train de râler, elles sont en train de faire des actions contre le viol, le mariage précoce, ainsi de suite. Mais souvent, quand il y a un homme qui prend parole sur la même problématique, c'est déplacé d'une communauté à quelque chose de plus national. C'est dommage, c'est triste, mais qu'est-ce que tu veux ? Nos sociétés sont telles qu'elles sont aujourd'hui, et je pense que c'est se leurrer que de nier ça, et plutôt que d'en faire un papier qu'on froisse et qu'on met dans la poubelle, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Nous, au sein du collectif, on a des hommes qui portent la parole féministe avec nous, et encore une fois, les avoir, c'est une chance, quoi. Le fait que ce soit un homme qui parle et tout, tout de suite, on porte plus, en tout cas dans nos sociétés, les gens font plus attention. Et voilà, quand on a des alliés comme ça, je pense qu'il faut en tirer profit. Je pense sincèrement qu'en Afrique noire, Les hommes peuvent changer. Ils peuvent changer, mais il va falloir accepter de regarder l'histoire de l'Afrique en face. Il va falloir accepter de faire des choses concrètes. Il va falloir surtout accepter de laisser des privilèges. Je pense qu'ils se sont trop plu dans les privilèges que le patriarcat occidental leur a mis sur la table. Alors que si on veut vraiment développer le continent, on ne peut pas le faire sans les femmes. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous, femmes africaines, nous refusons encore de nous battre pour demain ne rien avoir, pour que notre situation reste pareille. On nous dit tout le temps, oui, attendez, quand l'Afrique va se développer, on va penser à vous. Mais depuis combien d'années on attend? Pendant ce temps, on meurt. Pendant ce temps, on est discriminé. Mais quand est-ce que nous, on pensera à nous? C'est-à-dire, nous sommes toujours là en train d'appuyer, que ce soit les femmes blanches, en train d'appuyer, que ce soit les hommes noirs, en train d'appuyer tout le monde. Mais au final, qui pense à la femme noire africaine sur cette terre? Tout le monde se sert de nous comme tapis pour monter. Mounial, mes filles, car la patience est une vertu. Dieu aime les patientes, répète mon père imperturbable. J'ai aujourd'hui achevé mon devoir de père envers vous. Je vous ai élevée, instruite, et je vous confie ce jour à des hommes responsables. Vous êtes à présent de grandes filles, des femmes plutôt. Vous êtes désormais mariées et devez respect et considération à vos époux. Les impatientes. Jaili Amadou Amal. La femme idéale est celle qui est soumise et patiente, dit un proverbe du Burkina Faso. Paru à l'origine sous le titre Mounial, Les larmes de la patience, le roman de l'autrice camerounaise Jaili Amadou Amal, lauréat du prix Goncourt des lycéens 2020, sous le titre Les impatientes, a familiarisé un large public avec la notion de mounial, un terme répandu dans les pays subsahariens pour désigner la patience. Si ma mère n'était pas musulmane, mais animiste, c'est à elle que j'ai songé à la lecture de ce roman abordant les tabous du viol conjugal, du mariage forcé et de la violence faite aux femmes. À elle, dont le mariage était arrangé depuis sa naissance, parce qu'elle était née fille dans l'une des chefferies occupant le plateau Bamileke, dans la province de l'ouest du Cameroun. À elle ayant grandi dans un monde dans lequel les femmes n'avaient pas leur mot à dire sur leurs unions. Les hommes épousaient des femmes plus jeunes qu'eux, et les filles étaient sommées de se plier à la volonté de leur père. J'ai vécu le mariage précoce et forcé, mais j'ai également vécu toutes sortes de violences. Jaili Amadou Amal. S'il y a une tradition ou une pratique qui persiste en Afrique et que je voudrais voir bannir à jamais, c'est bien ce mariage d'enfants qui me met hors de moi. Ces mariages d'enfants, c'est tout simplement des concubinages d'enfants. Ce sont des enfants qui n'ont pas 18 ans, des petites filles quelquefois de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, un peu plus, qui sont envoyées en mariage, souvent contre leur gré. Ce sont des mariages traditionnels qui ne sont pas reconnus par l'État, par la loi, puisque ce n'est pas acté, en fait. Il n'y a pas eu de mariage civil, d'acte de mariage, qui signifie également protection de la femme. Nous avons aussi beaucoup de difficultés à mobiliser autour de remises en cause de traditions que beaucoup estiment définissent l'africanité. Diakoumba Gassama. Dès que je dis ça, tout le monde pense à notre droit à l'avortement ou à notre lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes que sont le mariage d'enfants ou les mutilations génitales. Mais il y a aussi beaucoup d'autres pratiques tout aussi détestables qu'on retrouve au Cameroun avec le repassage des seins ou qu'on retrouve en Afrique australe avec le gavage ou avec d'autres pratiques par rapport à l'appareil génital de la femme. Donc je pense que vraiment c'est ça, parce qu'à partir du moment où nous pourrons être libres de ces pratiques et aussi être libres de la violence, qui est vraiment le phénomène énorme dans toutes ses formes, quand nous pourrons être libres, nous pourrons exercer nos droits sur d'autres questions. Le sujet primordial, c'est le droit à la contraception aujourd'hui pour les femmes africaines, hein, parce qu'ici, voilà, c'est déjà quelque chose d'acquis depuis des années. Le droit à avoir accès à la contraception, le droit à l'IVG. Aujourd'hui, les féministes africaines sont en train de soulever ce débat-là. Même si on leur dit, oui, on a des valeurs, des traditions en Afrique, on ne peut pas. Avant d'arriver à l'avortement, la fille n'est pas tombée enceinte seule, hein. Avant qu'on parle d'avortement, la grossesse n'est pas, voilà, on lui a pas implanté la grossesse, hein, voilà, c'est arrivé avec quelqu'un. Donc, moi, je pense que sur ce plan-là, il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore beaucoup à faire. D'ailleurs, il y a tout à faire, voilà. 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est une des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Manifeste des 343 salopes, 5 avril 1971, Paris. J'ai été une salope avant d'être mère, une fois. J'ai été salope en étant mère, deux fois. La première fois que j'ai avorté, j'ignorais qu'il suffisait d'oublier sa pilule, une seule fois, pour se retrouver enceinte. La deuxième fois, un gros kyste ovarien avait eu la malencontreuse idée de se greffer sur l'embryon, augmentant les chances d'une grossesse à risque. D'un commun accord, nous n'avons pas souhaité, mon mari et moi, prendre le risque. La troisième et dernière fois, il n'était pas question pour moi de faire de l'amant concerné le père de mon enfant. Il n'était pas question de me retrouver liée à vie à cet homme-là. J'ai avorté 3 fois, 2 fois par aspiration, 1 fois par voie médicamenteuse. Mon plus mauvais souvenir fut cette fois-là, la dernière. À chaque avortement, j'ai réalisé ma chance d'habiter dans un pays me permettant de le faire. Réaliser ma chance de ne pas avoir eu besoin d'avoir recours à des aiguilles, des breuvages infâmes, des sauts au péril de ma vie pour faire passer la grossesse. À chaque avortement, j'ai pensé à toutes celles dans le monde n'ayant pas la possibilité d'accéder à ce droit, à celles qui meurent toutes les 9 minutes des suites d'un avortement clandestin. Je suis une statistique et une salope. Je suis l'une de ces 2 femmes sur 3 qui ont recours à l'IVG alors qu'elles avaient un moyen de contraception. Je suis une de ces salopes qui auraient pu signer le manifeste. Mais je suis surtout la première femme dans ma famille qui ne s'est pas vue imposer ses grossesses et dont le destin ne fut pas de faire des enfants. En Afrique, seuls 4 pays, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Mozambique, ont légalisé l'interruption volontaire de grossesse. Dans la plupart des pays du continent, l'avortement est interdit par la loi ou conditionné par tellement de critères que l'avortement clandestin reste la norme. En Amérique latine et en Afrique, la majorité des avortements, approximativement 3 sur 4, ne sont pas sécurisés selon l'OMS. La plupart des femmes qui se font avorter cherchent à résoudre une grossesse non planifiée. Nombreuses sont celles qui hésitent à déclarer viol ou inceste par peur d'être stigmatisées par leurs proches. Très tristement, je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre l'agenda qui était poursuivi par Marie-Angélique et ses camarades de l'époque et le nôtre. À l'époque, c'était la libération d'un certain statut social, d'une espèce de chape de plomb sur, encore une fois, la liberté des femmes à décider de leur corps, de leurs choix maritaux, etc. Et tous ces choix-là et toutes ces luttes-là sont encore là. Nous avons beaucoup de difficultés à amener certaines de nos sœurs à lutter, par exemple, pour tout ce qui est question d'éducation à la sexualité, d'orientation sexuelle. Ce sujet-là, c'est une autre question. Tu as intérêt parfois à ne pas parler de ça dans certains milieux, sinon on peut te tomber dessus, quoi. Même des intellectuels qui ont étudié, qui ont voyagé, qui connaissent les réalités du monde aujourd'hui, n'acceptent pas de parler de l'homosexualité. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on soutient la cause LGBT, même si on n'est pas homosexuel, hein, juste qu'on soutient. Pourquoi je veux m'intéresser à la vie d'autrui, en fait? Pourquoi je suis contre le fait que voilà, telle personne aime les femmes ou aime les hommes? Moi, j'aime les hommes, oui. Voilà, c'est ce que je suis, on ne m'empêche pas. Pourquoi je vais empêcher une autre personne d'être ce qu'elle est? il y a quelques semaines, un bureau d'une association de défense des personnes homosexuelles devait s'ouvrir. Et ça n'a pas été fait. Ils ont très vite fermé parce qu'il y a eu une vindicte populaire contre ces personnes-là. Dans les médias, les avocats, on a entendu des personnes qui ont dit « c'est pas possible que le président laisse la question de l'homosexualité s'implanter dans le pays ». On est en train de nous bafouer nos droits, on est en train de nous faire accepter des choses qui ne sont pas dans nos traditions. Donc ça, ce sujet-là, c'est une autre question, parce que je suis sûre que sur le continent, il y a des femmes qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie d'assumer leur homosexualité, mais elles ne peuvent pas. Parce que autour d'elles, ce qu'elles entendent sur ce qui se dit sur l'homosexualité qui est criminalisée dans certains pays, elles ne peuvent pas vivre leur identité, telles qu'elles sont. Ça aussi, c'est une lutte féministe. Leur objectif, c'est de pouvoir vivre comme elles le veulent, mais elles ne peuvent pas. Pour l'instant, c'est un sujet très, très, très sensible. Mais le fait qu'aujourd'hui, ces sujets-là sont sensibles, ça veut dire quelque part que les gens commencent à intégrer ça dans leur tête. Le fait qu'on arrive à en parler, ça veut dire qu'on arrive à poser le débat. Ça veut dire qu'on arrive même à dire le mot. C'est déjà un pas. Que de pouvoir en parler juste, même si ce n'est pas accepté, juste pouvoir en parler, c'est déjà ça. Il y a quand même une évolution dans certains secteurs. Marie-Angélique Savani. Mais je dois dire que je suis quand même un peu découragée parce que lorsqu'on me propose de faire des conférences avec les jeunes, je suis un peu inquiète de la manière dont ils réagissent. Il y a une pression énorme de la part des religieux pour un retour aux traditions et aux valeurs de l'islam. Et ça, effectivement, ça n'arrange pas tellement le débat actuel, parce que la liberté d'expression est bafouée quelque part par cette pression qu'on met sur les gens qui ont peur. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a en plus peut-être, c'est que nous voyons dans les mouvements citoyens ou dans la société civile des espèces de retours à des genres de pensées que Marie-Angélique et les autres avaient réussi à faire tomber en ayant des positions de leadership en tant que femme dans ces mouvements, dans ces partis. Et aujourd'hui, je pense que souvent, sous l'excuse de la tradition et sous l'excuse de la religion, on a un retour à cette vision de la femme qui doit rester à sa place. Soyez soumise à votre époux. Épargnez vos esprits de la diversion. Soyez pour lui une esclave et il vous sera captif. Soyez pour lui la terre et il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ et il sera votre pluie. Soyez pour lui un lit et il sera votre case. Ne boudez pas. Ne méprisez pas un cadeau, ne le rendez pas. Ne soyez pas colérique. Ne soyez pas bavarde. Ne soyez pas dispersé. Ne suppliez pas, ne réclamez rien. Soyez pudique. Soyez reconnaissante. Soyez patiente. Soyez discrète. Valorisez-le afin qu'il vous honore. Respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne. Aidez votre époux. Préservez sa fortune. Préservez sa dignité, préservez son appétit. Qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse, de votre mauvaise humeur ou encore à cause de votre mauvaise cuisine. Épargnez sa vue, son ouïe, son odorat. Que jamais ses yeux ne soient confrontés à ce qui est sale dans votre nourriture ou dans votre maison. Que jamais ses oreilles n'entendent d'obscénité ou d'insultes provenant de votre bouche. Que jamais son nez ne sente ce qui pue dans votre corps ou dans votre maison. Qu'il ne hume que parfum et encens. Les impatientes. Jaili Amadou Amal. La femme est fille de la souffrance, dit un proverbe du Niger et du Mali, utilisé par les mères pour encourager les filles à supporter leur mari. Si les violences faites aux femmes sont le fait des hommes et révèlent avant tout une organisation du monde centrée sur leur pouvoir, les gardiennes de la tradition sont quasiment partout en Afrique, les femmes. Dans le roman Les Impatientes, les violences faites aux femmes sont généralement et malheureusement, toujours, dans tous les cas, perpétuées par les femmes elles-mêmes. Jaili Amadou Amal. Qu'on parle de mariage précoce et forcé, de la polygamie, du viol conjugal, mais qu'on parle également de cette injonction à une soumission totale. Comme parle également de mutilation sexuelle génitale, c'est toujours, toujours, toujours les femmes qui le pratiquent sur les autres. Quand on parle de mariage d'enfants qui me tient à cœur, on le voit bien dans le roman Les Impatientes, que ce sont toujours les mères, les tantes, les grand-mères qui persuadent la fille, puisque ce mariage, généralement, ne se fasse pas par la violence, il passe toujours par le chantage affectif et la persuasion. Et c'est les autres femmes de la famille qui, justement, même si elles sont poussées par les hommes, font quand même ce chantage-là aux petites filles et les persuadent d'accepter. Toutes ces femmes ne le font pas par méchanceté. Elles le font d'abord par ignorance, ensuite parce qu'elles sont persuadées déjà elles-mêmes, au fond, au plus profond d'elles, qu'on ne se définit en tant que femme que par, justement, que par le mariage. Et quand vous avez autour de vous des hommes qui disent qu'après 16 ans, 17 ans, la jeune fille est déjà trop vieille pour être épousée et que pour cela, et qu'elle puisse trouver sa place, il faut la marier très très jeune. Les femmes suivent aveuglement tout simplement parce qu'elles ne connaissent rien d'autre. Ça, c'est quelque chose qui, moi, depuis aussi longtemps que je puisse me rappeler, m'a toujours énormément perturbée. Et je suis très, très reconnaissante aux féministes plus âgées qui m'ont aidée à me réconcilier avec ce constat. Quand je leur disais, mais moi, je ne comprends pas que ce soit des femmes qui nous aient amenées nous faire exciser. Moi, je ne comprends pas que ce soit des femmes qui soient celles en charge de s'assurer que nous acceptions l'inacceptable dans les mariages forcés, les mariages d'enfants, etc. Et elles m'ont dit, mais demande-toi quel a été le cheminement de ces femmes et d'où elles viennent pour faire ça. Et regarde comment ces femmes s'accompagnent dans ces chemins douloureux, la recherche du moindre mal face à quelque chose qui est vécu comme une fatalité, une responsabilité imposée par la société. Et comme dans tout crime, il faut se demander à qui cela profite, et c'est rarement à des femmes. C'est parce que je déplorais que les questions relatives à l'intimité des personnes noires, et particulièrement celles des filles et des femmes noires, ne fassent l'objet d'aucune transmission, qu'en 2018, j'ai décidé de créer un programme leur donnant la parole. Lors d'une séance d'écoute, une jeune femme asiatique vint me trouver pour me faire part de sa surprise, me confiant qu'à l'écoute de mes entretiens avec les 7 femmes noires qui s'exprimaient dans chacune des émissions, elle avait découvert qu'il était difficile de parler d'intimité pour les femmes et les filles noires. Elle pensait jusqu'alors que la parole sur ces sujets coulait de source, qu'il nous était facile de parler sexualité, particulièrement entre mère et fille. Il n'y a pas de transmission, il n'y a presque même pas de dialogue entre les mères et les filles. Préparer la fille, la jeune fille, à entrer dans le monde des adultes, dans la puberté, à assumer tout ça, il n'y a même pas de dialogue, préparation à tout ça. Moi, je parle en conséquence de cause parce que j'ai vécu ça aussi. Il n'y a pas ce dialogue-là entre mère et fille sur certains sujets. On les découvre comme ça, paf, sur le tas ou dehors quand on discute avec des amis. Mais il n'y a pas vraiment cette discussion franche-là entre les mères et les filles. Même moi, j'ai 30 ans passé, mais je ne peux pas parler intime avec ma mère. Moi, j'ai été excisée quand j'étais petite, mais quand je suis venue en France, j'ai fait la chirurgie réparatrice. Mais je n'ai pas pu m'asseoir, dire à ma mère ouvertement qu'elle me dise ce qu'elle en a pensé. Ce n'est pas elle qui m'a fait exciser, mais qu'elle me dise ce qu'elle a pensé de ça, quel est son avis sur la question aujourd'hui et le fait que moi, j'ai pu franchir cette étape-là de faire cette chirurgie. Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Je n'ai pas pu lui parler de ça. Je lui ai dit ça à la volée, quoi. Ah, maman, j'ai fait la chirurgie pour réparer le clitoris, point. Il y a une certaine gêne et on n'a pas eu l'habitude de parler de ces sujets-là, de l'intime. C'est difficile de poser le dialogue sur ces sujets-là avec les mères africaines. C'est comme si ça n'existait pas. Pourtant, c'est important. C'est important l'entrée dans l'âge adulte d'une jeune fille. Surtout dans ce monde-là aujourd'hui où on a accès à tout sur Internet. Où voilà, les enfants ils découvrent tout sans que les parents ne puissent leur en parler. Les positions des femmes dans les cultures africaines ne sont pas toujours les mêmes. Si beaucoup de cultures organisent la société autour des hommes, certaines cultures organisent la société autour des femmes, comme chez les Makoa. Dans cette ethnie du nord du Mozambique, la lignée appartient à la femme. Maison, terre et récolte appartiennent aux femmes et se transmettent de mère en fille. Les hommes n'héritent pas de ces ressources. Ils vont, après leur mariage, vivre chez leur femme et travailler dans les champs qu'elles possèdent. Une autre transmission est également à l'ordre du jour. Les filles, elles, pour être considérées à leur tour comme des femmes, doivent apprendre à respecter leurs aînés et passer, avant de se marier, le rituel d'initiation, au cours duquel toutes les femmes plus âgées de la tribu les accompagnent. Il s'agit pour ces dernières de transmettre aux plus jeunes ce qu'elles ont appris au cours de leur vie. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on ait ce qu'on appelle en Afrique des causeries éducatives. Les causeries éducatives, c'est tout simplement quand des femmes de générations différentes restent ensemble, discutent, comparent et tirent le meilleur de leur propre expérience, de leur vécu, de ce qu'elles ont à vivre, de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde, etc. Donc c'est très très important. Et aujourd'hui, les gens ne se parlent pas, j'ai l'impression. On a l'impression qu'on communique beaucoup. Mais en réalité, on ne communique plus du tout. Et peut-être qu'on devrait veiller à ça, surtout entre femmes, parce que c'est très, très important. Les mamans, les petites filles, et puis faire attention aussi à nos aînés. J'ai l'impression aussi qu'on ne fait pas suffisamment attention à nos aînés. Ils ont tellement de choses à nous apprendre. Phallocratie qui te bestialise, femme même dans l'ombre, soit la lumière du monde. Tu seras féministe, ma fille. Réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Avec Traoré Bintou Mariam, Diretou Diallo, Diakouba Gassama, Dei Fatoukane, Marie-Angélique Savané, Penaï Traoré, Djali Amadou Amal. Lecture par Sabine Pacora et Rose Martine. Prise de son, Éric Boissé, Olivia Branger, Fabien Capel, Inès De Bruyne, Catherine Déréthé, Dauphard Guéride, Hélène Langlois, Marie Le Peintre, Philippe Mercher, Bruno Mourlan, Claude Niort. Mixage, Cédric Châtelut. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran. Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé, une série d'Axelja Njike. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Paris, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Méchy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, une noire peut en cacher une autre. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.